Je suis Paul Père Castor, histoire qu'il sorte de mon transistor. Tout d'abord, il était une fois un homme se prenant pour Dieu, ayant soif d'argent et d'or noir, croyant les dés noirs, le dollar, le pouvoir, qui t'en mettent le monde au mitard, qui t'en changeait la lumière de tes soirs. Enfant de la guerre, enfant de toute terre, leur inconscience avec, ils ont touché à votre innocence. Tous payent comme une lourde peine, demande à Michel Fourniret ou Monique Olivier. Petite fille déshumanisée, ils ont tourné une page de ton histoire, de ta vie dans un coin sombre le soir. Ils parlent de ton histoire, mais passeront vite et vigoureusement à l'homicide du soir. Jeune de quartier, sacrifié pour quelques kilos, pour quelques billets, une part et ses stress. Jeune fille obligée de tapiner pour pouvoir bouquiner à l'université. Pour les histoires en mélodrame, pour les gens faibles tombés dans la cam, pour les histoires bizarres mais banales, pour les histoires où ça pétait la dalle. Pour les histoires où ça pétait la dalle. Ouais, ça pétait la dalle. Ok, TBS. Fils d'immigrés nés dans les années 80, ignore bien sûr que le destin l'attend en contrebas. La vingtaine d'années, une petite vie tranquille qu'il finira condamné à cause d'une vie facile. Y'a ce Stevie Wonder qui parlait de la mettre enceinte. Il apprendra plus tard qu'il éduque le fils de son zinc. Et ce poteau que la drogue a emporté, il se faisait servir par la pharmacie du quartier. Y'a cette femme qui utilise la burqa pour cacher son amant. Elle se fera griller évidemment. Et y'a cet homme pédophile qui pratique presque sous ton doigt. Mais t'as lâché, fais ton silence, c'est plus facile pour toi. Tous ces milliardaires qui n'évoluent qu'à reculons, qui n'agissent que pour le pouvoir, qu'ils aillent tous se faire. Pour tous les orphelins du monde, livrés à l'horreur des hommes, bien cachés derrière la propagande et capitale des ondes. Y'a ce sale carnement qui rappe sa rage ouvertement, qui veut que ça monte gratter les oreilles du gouvernement. Y'a ce nuage de fumée qui me contient, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la tient. Juin 1982, une césarienne, un petit prématuré, 7 mois indien, dans les bras de sa reine. Sa mère étrangère est fière des origines, son père fait la guerre en tant que tirailleur. C'est les gars, ex-esclave de l'hébergeur. Les années passent, c'est un jeune modèle et volontaire, il est maintenant à l'école primaire. Il sort du sentier qui l'emmènera au sanctuaire. 12 piges, première convocation judiciaire. Cambriolage, fini le coloriage. J'y prends goût à l'adrénaline. Et Dieu lui donne la main d'être sage en plus dans son dos. Car t'as devient trop lourd, connais, j'y ouvre les yeux. Il laisse aller sa rage sans réel but. Avant son rêve était marqué des buts. Répéter de la cage, prometteur dans sport, l'institution. Un caillou dans l'engrenage, car il ne suffit pas d'être fort. Il faut suivre les lignes et payer le péage. C'est à ce moment qu'il eut les cahiers trop grands. Et tout le monde dans son sillage. La rage et beaucoup de cœur, il faut garder les pieds sur terre. Perte de beaucoup de proches, lui forger son caractère. Le vrai commencement de la vie, la galère. Les allers-retours dans les locaux du ministère qui font pleurer la mère. Trouver la solution au dette du père. La vie, je l'ai grandi. La vie active n'est pas la solution. Du bon et du, ça fait un moment, c'est l'abandon. Le système l'enrage, il ne veut pas considérer qu'on se patron. Pourtant, faut bien ramener de l'argent à la maison. Alors, comme son père, il se lève le matin avec les moutons. Se casse le dos pour voir un rond. C'est que c'est mieux que rien du tout. Il pourra pas manger, c'est pour le bocus. Mais bon, on l'accuse, il a des histoires sur le dos. Et entre SMIC et les flics, il aperçoit le bout du rouleau. On a que ce qu'on mérite. Et entre le début et le bout, c'est lui qui a bien tout déroulé. Alors il garde le sourire, c'est la vie. Il ne se sent pas armé. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Chaque histoire révèle des surprises. Chaque histoire des bonnes comme des mauvaises. Des bonnes comme de la bonté et bien des tonnes de bêtises. Et bien des tonnes. Un autre jour, une autre histoire. Un mec prostitué pour 5 meufs sur le trottoir, hein. Chaque histoire suppose un minimum de miséricorde. Sache que l'être humain n'est pas foncièrement mauvais. Il est bon, plein de qualités, malgré tous ses défauts. Et ouais, l'histoire continue. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? TPS. Ok. Tournable. De RNAV, NDP, noir de peau, high.